ça m'attire. J'suis pas du genre à fuir. T'as l'attitude de Riri. C'est le même instinct qu'un faux. J'avais t'avoir à l'usure. Oui, faire oublier les autres. Contre moi, j'veux sentir ton souffle. Épouser tes cours ce soir. Les autres sont de trop. Là je pense au lala. Taxi et au lala. Comme nos mains s'égarent. Or le va-et-vient c'est vague. Oh, oh. Bain de minuit au bain de foule. Tout est permis, rien n'est fou. Mon service est vain, c'est cool. Oh, oh. Contre moi, j'veux sentir ton souffle. Épouser tes cours ce soir. Les autres sont de trop. Doucement, j'oublie pas, je veux sentir tes mouvements, doucement.